Ok. RFA mon pote. 89. Écoute ça frère. Ça fait. La rue c'est mon laboratoire où je roule sans permis probatoire. Conseillez vite les gros bâtards et tous ceux qui mènent au parloir. Moi, je fais du rap mais c'est qu'une passion t'as vu. Et je veux laisser ma trace comme le premier pas sur la lune. Mais beaucoup de choses me rendent dingue comme ceux qui passent sur la une. Et obligé pour la rime que pour ma sub j'en place une. C'est la dèche mais je pratique un armure oui. Si demain c'est la guerre on fera la caisse de l'armurerie. Mon père était maçon, t'étonne pas si je casse des briques. Vas-y fais péter le son et la prod sera qu'un tas de débris. Me parle pas d'amour non, je viens rapper mon décor. C'est seulement le jour de ma mort que tu fêteras mon départ. Les condés enquêtent partout, veulent nous enquêter partout. Sarah Benoît et même pas tout. Mais je rappe tous les jours, les soirs. Et sous rap t'as même, mais obligé de jouer le sourd quand je vois le rap que t'as même. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. C'est dans le rap que je tire, fais gaffe au projectile. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. RFA pour ma vie, fais tourner le projet fils. On vient grimper la colline, si tu testes on t'en colle une trop. Toi sur les épaules, tout va travers comme un colonne. On joue à Colin, Maillard au bord du pré. Si pisse, au match j'ai pas le choix, je me lâche comme un mec pressé de pisser. Y'a comme un goût épicé, quand je pose ma rime c'est amer. Et puis c'est paraissant, cassant c'est la merde. Comme Delca j'ai un putain à prendre et un putain à atteindre. Aucun compte à rendre, nous voir couler faudra attendre. J'ai la plume qui surenchérit ma valeur à chaque phrase, j'aime la rime. Et oui ma chérie, mon bonheur c'est ma passion. Je me donne à fond dans le son et représente la jeunesse d'en dessous. Le rap me coule dans le sang mais fait pas gagner tant de sous. Et en 12, toi et ta clique on vous prend tous. Ma place est en attaque, cause la tienne sur le banc touche. Tu voulais un coup de pouce, bah fourre-toi un majeur dans le derge. Dans ma tête c'est course poursuite avec un spi en tandèche. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. C'est dans le rap que je tire, fais gaffe au projectile. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. RFA pour ma vie, fais tourner le projet fils. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. C'est dans le rap que je tire, fais gaffe au projectile. Fumer, rapper, c'est notre train de vie. Rester fier et vrai, c'est notre devise. Être en haut de l'affiche, c'est notre objectif. RFA pour ma vie, fais tourner le projet fils.